Ahn Eun-hi, compatriote coréenne aux États-Unis, a envoyé au président américain Trump une lettre demandant la paix de la péninsule coréenne au nom des femmes dirigeantes d'origine des milieux académiques, d'affaires, civils, sociales et militaires de 40 pays, y compris la République populaire démocratique de Corée et les pays ayant participé à la guerre de Corée. La destinatrice a noté que la diplomatie est l'unique moyen pour éliminer la crise nucléaire et la menace de guerre dans la péninsule coréenne. Elle a rappelé que la Corée est le seul pays qui n'a pas encore réalisé la réunification depuis sa division, résultat de la Seconde Guerre mondiale, avant d'exiger de l'actuel président américain de suivre le point suivant pour prévenir la guerre et assurer la paix dans la péninsule coréenne. Remplacer l'accord d'armistice de Corée de 1953 par un accord de paix contraignable pour engager le processus de paix visant à mettre un terme à la guerre de Corée. Elle a dit. Depuis 1950, la péninsule coréenne a été l'objet de la menace permanente de l'arme nucléaire, ce qui a rendu toujours anxieux les Coréens. De plus, la disposition du système de défense antimissile des États-Unis SAD en Corée du Sud aggrave la tension du Nord, du Sud et des pays voisins. La paix est la plus puissante force dissuasive de guerre. Pour terminer, la destinatrice a souligné que la paix durable et la stabilité de la péninsule coréenne et de la région ne seraient assurées que lorsque le président américain prend des mesures pour conclure l'accord de paix en vue de mettre un terme à la guerre de Corée.